Le dernier rôle par Paul Bourget. Il est bien mal, n'est-ce pas, monsieur le docteur ? Demanda le vieil homme au jeune médecin. Celui-ci, un grand garçon roux, au regard hardi, à la bouche heureuse, se préparait à monter dans la voiturette d'automobile qui lui servait à ses visites et qu'il conduisait lui-même. Il eut en hochement d'épaule, regarda du côté de la maison dont il sortait pour s'assurer qu'il n'était pas épié, puis, brutalement, « Fichu !» répondit-il, et sans autre commentaire, il tourna de son bras robuste la manivelle de devant de sa machine. Le moteur commença de halter en grinçant, et le médecin, installé sur le siège, partit en faisant un geste d'adieu à son interlocuteur qui demeurait là, immobile, à regarder lui aussi la petite maison toute gaie, toute claire sous le soleil de cette matinée de printemps. C'était la maison classique des vieilles cités de l'Île-de-France. Celle-ci était située dans une des rues de Nemours, pas très loin de la halle, et tout près de ce bras du loin, dit des petits fossés, qui sillonne la ville et longe l'hospice avec son campanile mi-gothique, mi-renaissance. Elle était haute de 2 étages, chacun percé de 3 fenêtres, dont les volets peints en brun se rabattaient sur des feuillages de plantes grimpantes. Un jardinet s'étendait devant le perron, où 2 grands lilas épanouis dressaient leurs branches chargées de grappes de fleurs violettes. Une énorme boule déformante et un jeu de tonneaux se voyaient dans une allée, et l'arrêt de mort prononcé par le médecin contre l'hôte de cet asile prenait, par le contraste, une signification plus sinistre, comme s'il y eût une cruauté gratuite de la nature dans cette condamnation d'un être à qui avait suffi une existence vouée à des divertissements de cette innocence. L'ami fidèle qui contemplait cette maison devait sentir ce contraste plus vivement encore, par les souvenirs que cette fin toute prochaine d'un compagnon de sa jeunesse évoquait en lui. Leur première rencontre remontait à 1/2 siècle. Ils étaient alors tous les 2 élèves au conservatoire. Ils avaient fait l'un et l'autre carrière de comédiens dans des voies un peu différentes. Leur nom de guerre résumait à eux seuls ces différences. L'un, le propriétaire condamné de la petite maison, avait eu un prix de tragédie. Il était entré à l'Odéon d'abord, puis au Théâtre Français, où il avait vieilli dans des emplois subalternes faute d'un vrai tempérament. Sur son extrait de baptême, il s'appelait très modestement Dubois. Pour le public, il était Brizard. Il avait relevé le nom de cet illustre tragédien, dont la stature, a dit un témoin, était théâtrale, la tête majestueuse, les mains paternelles, et qui, sans art, faisait sortir le pathétique de ses entrailles. L'autre, celui qui allait survivre, avait mué en Balleville son nom peu reluisant de Dupin. Mais cette étiquette de l'ancien répertoire ne l'avait pas empêché d'aller de plus en plus dans un sens opposé à celui de son camarade. Lui aussi était entré à l'Odéon pour passer de là aux vaudevilles et aux variétés. On se rappelle le succès que son étourdissante fantaisie lui valut d'abord dans Les Jeunes Premiers, puis dans Les Amoureux quinquagénaires de Mellac et d'Alévi. Balleville avait été l'incarnation même du viveur sentimental et ironique, naïf et blasé, délicat et quasi falot de ce spirituel théâtre, image d'une société qui déjà n'est plus, celle du Second Empire prolongée dans la Troisième République. Mais tout finit, même la vogue des comédiens, et l'illustre Balleville avait connu, comme l'obscur Brizard, la mélancolie de la représentation d'adieu. Les 2 acteurs étaient demeurés des amis intimes, malgré la différence de leur genre, et ce qui fait l'éloge de leur cœur, celle de leur succès. Ils avaient épousé les 2 sœurs, alliance qu'ils avaient encore approchée, et devenus veufs, l'un et l'autre, ils avaient adopté, pour s'y retirer, la même ville, cet antique Nemours qui exerce sur la gent théâtrale un attrait si particulier. Ils avaient acheté 2 maisons dans la même rue, il y avait à peine 18 mois, comptant bien installer là, sur le bord du loin, une petite province du pays de Monomotapa, comme dans la fable. 2 vrais amis vivaient. Et presque tout de suite, Dubois, dit Brizard, avait commencé de donner les signes d'un de ces dépérissements progressifs que les plus ignorants en pathologie ne peuvent point ne pas remarquer. Son teint était devenu jaunâtre, la saillie des veines sur son front s'était faite plus forte et flexueuse, ses joues se creusaient, sa parole hésitait. Le docteur consulté, ce même médecin automobiliste, avait prononcé un nom de maladie redoutable et mystérieuse. « Il fait de l'artériosclérose. Il a beaucoup fumé, sans doute. Lui, docteur Marmier, il avait déjà horreur du cigare au conservatoire. Le petit verre, alors ? Hein, avouez ? Il n'a jamais bu que de l'eau. Et les belles dames, les coulisses. Ah, docteur, c'était un mari parfait. Il a eu des émotions, alors, de grands chagrins, ou bien il s'est surmené. Une montre, docteur Marmier, c'était une montre, levée à la même heure, déjeuner à la même heure, et rue de Richelieu, vous savez, il ne se la foulait pas. Ah, si ça avait été boulevard Montmartre, mais dans la boîte à Molière. Et le vieux comédien du boulevard avait eu un geste, quel geste, celui d'un grognard de la grande armée parlant d'un garde national. Alors ce sera simplement la rouille de la vie, comme a dit si justement Peter, avait repris Marmier. Quand les médecins ne comprennent rien aux causes d'une maladie, ils prononcent sentencieusement une formule. Du temps de ce Molière dont Balville faisait sans respect le patron d'une boîte, cette formule était en latin. Aujourd'hui, c'est une de ces citations rédigées dans la rhétorique brutale que la faculté a empruntée à la littérature réaliste. Mais l'athérome permet une longue survie. Et M. Brizard est un Nemours dans des conditions idéales. Vie paisible, bon air, régime laitage, viande blanche, légumes, un peu d'hydrothérapie modérée, 20 jours par mois d'iodure de sodium. Je vous le retape, vous verrez. Balville avait vu au contraire son camarade jaunir davantage. Les joues du malheureux se creusaient encore, son dos se voûtait. Puis brusquement, était apparu l'un des symptômes les plus terrifiants pour un malade et son entourage. Des accès répétés d'angine de poitrine, Brizard immobilisé soudain par une atroce douleur irradiant du cœur vers le cou et le bras gauche, pâle, trempé de sueur, incapable de respirer, de parler, avec l'angoisse, dans les prunelles, de la mort imminente. Le docteur Marmier, appelé d'urgence, l'avait ausculté longuement et il avait dit de nouveau une parole à la fois trop claire et trop obscure pour ne pas augmenter les appréhensions de Balville. J'ai peur d'un anévrisme de l'aorte. Il n'a pas eu d'émotion ces temps-ci. Et quelle émotion voulez-vous qu'il ait ? Avait demandé le fidèle ami. Tant mieux, allons, tant mieux, avait répondu le médecin d'un air incrédule. Il ne va pas trop souvent à Paris. Lui, deux ou trois fois par mois, quand on donne une tragédie dans son ancien théâtre, c'est sa seule passion, la tragédie. Je vous affirme, docteur, que vous vous faites une idée très fausse de l'existence des artistes. Marmier avait hoché la tête. Rien de sommaire comme la psychologie d'un médecin qui n'est pas très intelligent. Ce métier, dont on croirait qu'il doit développer au suprême degré le sens de l'observation, semble au contraire l'oblitérer chez les praticiens médiocres, qui ne pensent plus que par cases. La nécessité de se décider vite sur des individus qu'ils n'ont matériellement pas le temps d'étudier explique cette disposition d'esprit. Marmier s'était fait son type acteur. Bon gré, mal gré, il fallait que Brizard y entrât. Il ne croyait donc pas aux protestations de Balville. Il y avait aussi en lui une autre case, celle des visites à 10 francs. Il avait donc commencé à les multiplier, de plus en plus inquiet, disons-le pour ne pas trop calomnier la fréquence de ses auscultations. Les trises d'angor pectoris s'étaient d'ailleurs multipliées, elles aussi, chez le malade. Marmier, assez bon diagnosticien, a vite reconnu que l'aortite chronique, dont ces crises étaient le signe, approchait du dénouement. Ce matin-ci, l'extrême angoisse de Brizard, le refroidissement des extrémités, la petitesse et l'irrégularité du pouls, lui avaient paru annoncer une rupture imminente du cœur. Il avait tenu parole à Balville, qui, dès les premiers jours, lui avait demandé de ne pas lui cacher la vérité. « J'ai peut-être eu tort, » songeait-il, tandis que sa voiturette l'emportait à travers la campagne verdoyante du mois de mai. « Il va lui parler. Et à quoi bon ?» Mais ce sont leurs affaires. Il est capable de vouloir que son camarade meure dans le giron, pour faire croire que M. Balville et Brizard sont de vertueux bourgeois. Ces cabots, quel mythomane! Hélas, personne au monde ne méritait moins que le pauvre comédien des variétés ce qualificatif créé par un de nos meilleurs psychiatres pour désigner les menteurs professionnels. Il était bien un peu cabot, on n'échappe pas à son métier. On n'a pas impunément figuré, des années durant, tous les Lamussadières, les Bois Gommeux, les Monts Flambert, les Lagoupillères. Vous reconnaissez les noms dont cet aimable Mélac baptisait volontiers ses viveurs vieillissants. C'est ainsi que, retiré dans cette villégiature de Nemours, il avait pioché, pour parler sans style, une tenue de Parisien à la campagne. Guêtres grises sur des souliers jaunes, pantalon gris à petits carreaux, veston boutonné d'un seul bouton, cravate lavalière à bout lâchement noué, chapeau de feutre mou au bord du devant rabattu savamment, gants de fil souple, parasol de soie bise doublé de soie verte. Et malgré lui, quand il se promenait le long du loin, il se réjouissait de voir se projeter sur le sol clair une silhouette qui lui faisait se dire mentalement « Ce que ça y est tout de même, ce que c'est le bonhomme !» Mais le cœur qui battait sous ce gilet de coutil, choisi avec quel art, était un cœur tout simple, un cœur d'enfant. Et quand il traversa le petit jardin pour aller rendre visite à son ami, après avoir entendu le verdict cruel du médecin, de véritables larmes roulaient sur ses joues. Elle mouillait sa moustache toute blanche, qu'il arborait fièrement, comme une revanche du masque glabre qu'il avait dû garder si longtemps. Il les essuya d'un coin de son mouchoir, quand la servante fut venue à son coup de sonnette. Le visage de cette fille exprimait l'inquiétude si particulière des domestiques à la veille du décès probable d'un maître. Ils vont perdre une place et n'osent pas faire des démarches pour en trouver déjà une autre. La commune humanité s'émeut en eux devant l'approche de l'agonie, et il s'y mélange une curiosité involontairement cruelle, la naïve importance de participer à un événement dont le voisinage s'occupe. Un fond d'indifférence persiste, car enfin c'est un étranger que le maître qui va mourir. Me mettra-t-il sur son testament ? Cette idée allume un petit éclair de cupidité dans le regard, et en complique encore l'expression déjà si obscure. La Mariette, c'était le nom de la femme de charge promue chez Brizard au rang de gouvernante, devant ça les questions du visiteur. « Il n'y a pas moyen de le faire se tenir au lit, » dit-elle. « Il s'est levé pour se raser. »« Je vais l'obliger à se recoucher, » répondit Valville, qui gravit prestement l'escalier intérieur. Cet escalier de quelques marches, Brizard pouvait à peine le descendre et le remonter depuis plusieurs semaines. Il refusait cependant d'habiter la pièce du rez-de-chaussée qu'il appelait pompeusement le salon. Les murs de l'escalier racontaient, pour qui le connaissait bien, la raison de ce refus. Ils étaient garnis du haut en bas de gravures qui représentaient ou des portraits d'acteurs ou des scènes de théâtre. Les Lesquin, les Clairon, les Adrienne le Couvreur, les Talma faisaient de cet escalier en pierre grise une humble succursale des couloirs et du foyer de la célèbre maison de la rue de Richelieu. Cette passion de son métier se révélait davantage encore dans la chambre à coucher où se tenait le malade. Elle était littéralement tapissée des souvenirs de sa carrière, si peu glorieuse, mais ce n'avait pas été faute de foi et de persévérant labeur. Tous les Horace et les Félix, les Titus et les Manlius, les Flaminius et les Sertorius, les Burus et les Héraclius de la tragédie classique avaient été consciencieusement tenus à chaque occasion par ce dévot d'un genre démodé, et ils pouvaient se regarder dans 20 portraits à tout âge, ici vêtu du laticlave, là en cuirasse et une main posée sur une épée courte, ailleurs siégeant sur la chaise curule, plus loin haranguant des conjurés. Quelques-uns de ces portraits étaient de simples photographies, mais agrandis démesurément, d'autres des peintures. Le soin que Dubois, dit Brizard, avait pris de les commander et de les conserver, achevait de démontrer l'importance attachée par lui aux soirées où il avait réalisé un peu de rêve de jeune homme. Ce rêve conçu à l'époque où il obtenait son second prix au conservatoire. Le diplôme en était là, encadré, comme aussi de couronnes en métal doré offertes aux tragédiens au cours de tournées en province. Des bouquets séchés et fanés, avec des rubans à inscription, remémoraient quelques représentations plus brillantes. Des glaives en faisceaux et des casques romains, astiqués comme des pièces d'argenterie, reflétaient le soleil qui entrait par la fenêtre. Il miroitait ce gai soleil. Sur des plaques de verre à l'abri desquelles jaunissaient des cartes de visite portant le nom de personnages connus et des formules de félicitations bien banales. Elle ne l'était pas pour Dubois, dit Brizard, qui s'occupait en ce moment à la besogne dont avait parlé la ménagère. À coups de ciseaux, il avait commencé à tailler la longue barbe blanche qu'il laissait pousser depuis sa retraite et qui lui donnait l'air vénérable d'un Joad toujours sur le point de s'écrier « Où suis-je ? De Bâle, ne vois-je pas le prêtre ?» Puis il avait pris le blaireau et il se savonnait la face aussi vigoureusement que le lui permettait sa faiblesse. À chaque instant, il devait abaisser son bras. Cet effort pour tenir sa main levée épuisait son pauvre cœur. Pourtant, il était bien décidé à exécuter jusqu'au bout cette opération qui le rendrait pour un jour le menton bleu de sa profession. La lame d'un rasoir ouvert brillait à portée de sa main auprès d'un cuir à repasser. Ce vieux comédien au maigre corps drapé dans une espèce de peignoir de toile rayée, les pieds nus dans des pantoufles sans quartier, absorbé ainsi dans ce soin d'une inexplicable toilette, paraissait d'autant plus sinistre qu'il avait étalé sur sa table tous les instruments pour faire sa figure. Pâte de lièvre, boîte de rouge, crayon pour les cils. Et la mort était dans ses yeux, sinistre d'éclat, dans les pochettes gonflées des paupières, dans le creux des joues à la fois rentrées et tombantes, dans le cou qui se plaissait comme en des fanons de peau flétrie, dans l'essoufflement du maigre torse sans cesse tendu pour aspirer un peu d'air, dans la fatigue infinie de l'attitude et du geste. Oui, Dubois, dit Brizard, allait mourir, et il le savait. Il salua Valville d'un mot qui ne permettait pas le doute. C'était, coïncidence ironique, précisément celui dont le docteur Marmier s'était servi. Le médecin sort d'ici, mon bon, fichu, je suis fichu, tu m'entends? Je l'ai rencontré, répliqua Valville, et il m'a dit justement le contraire. Je te dirai comme Pilate, et ce sera deux fois vrai, Seigneur, vous me trompiez. Alors je te répondrai comme au reste, je me trompais moi-même. Non, reprit le tragédien en regardant son ami avec des prunelles si aiguës que l'autre ne put pas les supporter, et détourna les yeux. Tu ne te trompes pas, Marmier t'a dit la vérité. Mais mon pauvre vieux, j'ai entendu ton pas dans l'escalier. Il est lourd comme celui de quelqu'un qui s'attarde pour prendre le temps de se composer un visage. Tu as pleuré, ne dis pas non. Ta moustache est encore mouillée. Bah, ça y est, ton pauvre Brizard va être saqué une fois pour toutes. Il eut un sourire de brave pour prononcer ce mot d'argot qui signifie congédier, au théâtre comme à l'atelier. Un Allemand délire a trouvé qu'il venait de Zucken, forme intensive de ziehen, tirer. Il rappelle simplement l'ouvrier renvoyé qui reprend son sac, et l'acteur, plus savant étymologiste dans son simple geste que le philologue d'Outre-Rhin, esquissa le mouvement de quelqu'un qui prend ses clics et ses claques, et il ajouta un « enlever, c'est peser » qui mit de nouveau les larmes aux paupières de Valville. Le Parisien en villégiature avait cette bonne grosse sensibilité des coulisses, prompte aux expansions. Il se tut pour ne pas se trahir, tandis que le moribond reprenait en continuant de se raser avec une énergie sans cesse défaillante et reposant de minute en minute sa main sur ses genoux. « Je n'ai pas peur, Valville. J'étais un brave homme d'artiste qui n'a fait de mal à personne. Quand j'arriverai devant le bon Dieu, il me lira dans le cœur et il n'y verra rien que du propre. J'ai fait ma lessive hier. Je ne te l'ai pas raconté pour ne pas t'affliger, ma vieille. J'ai vu le prêtre. Enfin, je suis paré. Mais avant de passer, je voudrais... Tu vas te payer ma tête, toi, l'homme des variétés. Je voudrais jouer la tragédie encore une fois. Ça m'est venu en me regardant ce matin dans la glace. J'ai pensé... Quel dommage de ne pas avoir eu cette gueule-là pour mon Mithridate. Ah, j'y étais bon. Tu ne m'y as pas vu. C'était le rôle que je préférais, à cause de mon grand patron Brizard. Mais tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. « Tu n'as jamais senti la tragédie ?» Il répéta ce mot emphatiquement, séparant chaque syllabe. « La tragédie !»« Il n'y a qu'elle qui soit du grand art, Valville, du vrai théâtre, le reste !» Il eut un « pfff » d'un indécible mépris. « Pardon, mon ami, tu sais comme j'ai eu du plaisir à tes succès. Tu avais du talent, Valville, un charmant talent, mais la tragédie, mon ami, la tragédie !» Lequin, Brizard, Talma... Enfin, ça a été la foi de ma vie, ma religion. Je l'ai défendu souvent contre toi. Tu m'appelais poncif et pompier. Je ne discutais pas. À quoi bon? Quand on ne sent pas cela, on ne le sent pas. Moi, je le sentais. Ah, que je le sentais! J'avais la tradition. Je l'avais reçue de Fleuret, mon premier maître. Il la tenait de Barias, qui la tenait de Talma. Enfin, Valville, j'ai tant aimé la tragédie... que je serais content, mieux que content, heureux, tu m'entends, heureux, si je pouvais la jouer encore une fois avant de mourir. Ne me crois pas fou, Valville, je ne le suis pas. Je voudrais jouer Mithridate. Oh, pas tout, la fin seulement, avec cette figure-là, avant de mourir. Alors j'ai pensé, mon petit Valville voudra bien m'y aider. Moi, interrompit l'homme des variétés, comme l'avait appelé l'autre, à moitié attendri, à moitié goguenard, devant une fantaisie qui lui paraissait si baroque tout ensemble est si macabre. Mais comment ? En me donnant la réplique, tout simplement. Tu as bonne mémoire encore. Ce que je te demande, c'est de m'apprendre, d'ici à 2 heures, le rôle de monime. Ah, ça te changera. Et les vers sont si beaux. Tu verras que ça ne sera pas comique. Et ceux d'Arbat et d'Arcas, dans les scènes 4, 5, 6 et 7 du 4, et dans la scène 5e du 5, je te dis, dans 2 heures. C'est tout juste si je les ai. Est-ce promis, Valville ? Il émanait du vieil artiste une telle suggestion. Cette extravagante et suprême imploration d'un mourant était formulée d'une voix si émue, avec une ardeur si frémissante, que Valville répondit « C'est promis. Donne-moi ton Racine. Dans 2 heures, je saurai tout ce beau drôle de Madame Monime. Valville Monime, tu avoueras que c'est un peu loufoque. » Mais, et il dissimula derrière cette autre plaisanterie professionnelle l'émotion qui lui serrait la gorge, « Il n'y aura personne pour m'emboîter. » Valville Monime, se répétait l'excellent homme 2 heures plus tard en reprenant le volume de Racine sous le bras, le chemin de la petite maison où l'attendait son camarade. Monime Arcas Xifares. Quel nom, messeigneurs ! Moi qui n'ai jamais pu écouter une de ces grandes machines-là sans avoir envie ou de dormir ou d'éclater de rire. Je ne rirai pas et je ne dormirai pas cette fois parce que c'est trop triste. Mais quelqu'un qui nous verrait trouverait ça joliment farce tout de même. Et dire que ce brave Dubois est arrivé à 67 ans avec des idées aussi coco. La tragédie, il croit à la tragédie. Ah, s'il n'était pas si malade. Mais non, je ne lui dirais rien. Quand il se portait comme le pont neuf, je n'osais déjà pas le remoucher là-dessus pour ne pas lui faire de peine. Ma femme m'avait tant demandé de ne pas discuter ça ensemble. C'est son dada, qu'est-ce que tu veux ? Je crois l'entendre, pauvre femme. Morte aussi, comme sa sœur, comme Brizard demain, comme moi après-demain. Mais est-ce drôle ? Voir des gens souffrir vraiment, mourir vraiment, avec de vrais mots, bien familiers, bien nature, les dire soi-même, ces mots nature, et ne pas éprouver du dégoût devant des bons hommes en peplum qui débitent de grands diables d'Alexandrin en style noble. Mais quand tu parles de ta figure, Brizard, tu dis « ma gueule », tu ne dis pas « et mon front, dépouillé d'un si noble avantage, du temps qui l'a flétri, laisse voir tout l'outrage. Tout l'outrage. On est jus de la chance, tout jeune, d'avoir eu le goût de la chose vue, du coudoyer. Sans cela, j'aurais vieilli dans mon emploi, comme Brizard dans le sien, à jouer quoi ? Des scapins, des crispins, des jeux de l'eau, des mascaries ? Est-ce bête, ces noms-là, et ces domestiques qui causent en verre, eux aussi ? Je les donnerais tous pour le concierge de la Micarême, le père Mitaine, qui me répondait si drôlement quand j'étais bois Lambert, et que je me lamentais d'avoir appris tant d'infidélité de mon ami, rien que pour l'avoir remplacé dans sa loge de portier quelques instants. Je lui disais, j'étais l'ami de Marguerite pendant 22 mois, j'étais son portier pendant 5 minutes. Il me semble que j'en ai beaucoup plus appris sur elle en étant son portier pendant 5 minutes qu'en étant son ami pendant 22 mois. Et sa réplique à lui, « Jugez un peu, monsieur. » Jugez ce que vous auriez appris si vous aviez été son ami pendant 5 minutes et son portier pendant 22 mois. Dieu, l'héritier était-il bon dans ce rôle-là, et moi je n'étais pas mal. Et Valville, Monime, redevenu pour une seconde le vrai Valville, le Valville Bois Lambert, mima son camarade de 1874, se mima lui-même, et il débita tout haut ces 2 phrases de cette folie vaudeville, à la stupeur de 2 laveuses qui s'interrompirent de battre leur linge pour regarder ce monsieur si bien mis, en guêtre, en gilet de piqué et en cravate bleue à pois, qui se parlait tout seul à voix haute. Puis, se rappelant son pauvre Brizard, le vieux comédien eut un remords et attend le pas. « Allons jouer, Monime, Arcas, Arbat, Exifares, puisque ça lui fait plaisir. Après tout, ça l'occupera toujours un peu, et pendant ce temps-là, il ne pensera plus à sa mort. Il est vrai qu'il a choisi Mithridate. Il a eu la main heureuse. C'est tout de même incompréhensible. » « Ah, monsieur !» lui dit la servante quand il eut de nouveau sonné à la porte avec une face épouvantée. « Je crois que monsieur est devenu fou. Si vous voyez comme il s'est costumé, un vrai mardi gras, monsieur, et quelqu'un de si malade. Monsieur, faites-le coucher, je vous en prie. Il est excité, il ne fait qu'appeler les Romains, monsieur. Enfin, ça fait peur. » Le saisissement de la domestique s'expliqua pour Valville dès son entrée dans la chambre du malade. Celui-ci avait revêtu une tunique en laine brunâtre avec des brèves de même étoffe. une ceinture orientale de soie rouge avec de petits morceaux de miroir cousus à même et de fausses pierreries serraient sa taille. Une chlamyde de pourpre s'agrafait à son épaule. Il avait suspendu à un baudrier un de ces cimetières que les anciens appelaient Asinas, et sa tête était coiffée du bonnet phrygien. C'était l'attiral dans lequel il avait joué jadis ce rôle de Mithridate, dont la fascination sur lui avait été si grande qu'il avait conservé cette défroque dans laquelle il apparaissait comme le spectre même de cette vieille tragédie à laquelle il avait voué ce culte passionné. Même l'approche de la mort ne l'en guérissait pas. La maigreur de son corps, jadis vigoureux et râblé, se reconnaissait au flottement de ce fantastique costume. Il avait fait son visage, pour en accentuer encore la flétrissure quasi cadavérique, passer ses paupières au noir, ses lèvres au violet, ses joues au blanc gras avec de la poudre d'ocre. Et ses prunelles brillaient d'une excitation qui passa dans sa voix pour dire avec une demi-gouaillerie, comme s'il voulait devancer et désarmer l'ironie de son camarade, « Vous vous faites attendre, princesse. Tu sais ton rôle, ou plutôt tes rôles. Je les sais, dit Valville, mais ce costume... » Il montra sa cravate et son veston avec un air de gouaillerie, lui aussi. La gorge serrée, parce qu'il y avait de grotesque à la fois et de terrible, dans cette apparition de l'acteur presque agonisant. Dubois, dit Brizard, avait dû s'asseoir. Ses efforts, pour se vêtir ainsi et seul, l'avaient épuisé. Il répondit. « Ce n'est pas pour la salle que nous allons jouer, c'est pour moi. » Et montrant son front, « Je vois Monime, je vois Arbat, je vois Arcas. » « Est-ce que vraiment il deviendrait fou ?» se demanda Valville. « Mais non, ce n'était pas une hallucination morbide qui possédait Dubois, dit Brizard. C'était l'enthousiasme de l'art qui l'illuminait, et se dressant sur ses pieds, il attaqua la quatrième scène du 4, comme il avait dit, celle où le vieux Mithridate, qui sait les sentiments de Monime pour un autre, la presse de l'épouser. « Venez, et qu'à l'autel ma promesse accomplie, par des nœuds éternels l'un à l'autre nous lie. » Était-ce la fièvre d'une vie exaltée avant de s'éteindre par un suprême sursaut d'énergie? Était-ce l'émotion éprouvée par Valville qui le rendait lui-même sensible à l'excès? Il lui sembla que ses vers, lus tout à l'heure avec indifférence, avec ennui, s'animaient soudain en passant par la bouche de son camarade. Ce n'était plus le roi du pont qui parlait en alexandrin conventionnel, c'était la plainte du vieillard malheureux, le gémissement d'un cœur qui va s'arrêter de battre et qui dit adieu à toutes les choses de la vie, à l'amour, à l'espérance, au printemps, ce printemps épanoui dans les lilas du petit jardin sous la fenêtre. Et il écoutait, après avoir débité machinalement ses propres tirades, Dubois, dit Brizard, sangloter. « Elle me quitte. » Et se maudire, d'avoir laissé remplir d'ardeur empoisonnée un cœur déjà glacé par le froid des années. Il l'écoutait se ressaisir, et à la nouvelle, « Les Romains sont en foule autour de cette place !» jetait le célèbre cri. « Les Romains !» Et ôtant son bonnet, pour imiter le geste légendaire du vrai Brizard, le moribond s'élança sur un casque préparé à l'avance et posé sur un fauteuil, sans que le spectateur unique pour lequel il jouait ainsi pensât maintenant à en sourire. Et ce fut enfin le célèbre morceau de la fin, la 5e 5 du 5. Valville Monime était si bouleversé à peine s'il put dire le vers, par lequel la princesse salue le retour de Mithridate mourant. « Ah, que vois-je, seigneur ?» Et Dubois Brizard, lui, avait toute la fermeté d'une agonie magnanime pour répondre « Cessez, et retenez vos larmes l'un et l'autre. » Quel succès, si jadis, quand il jouait ce personnage sur les planches de la comédie française, il avait dit de cet accent de héros vaincu « Et ma gloire, plutôt digne d'être admirée, ne doit point, par des pleurs, être déshonoré. » S'il avait trouvé cette tendresse pour gémir, « Mais vous me tenez lieu d'empire, de couronne. » Cette fierté résignée pour prononcer, « C'en est fait, madame, et j'ai vécu. » S'il avait ainsi murmuré, « Approchez-vous, mon fils, dans cet embrassement, dont la douceur me flatte, venez et recevez l'âme de Mithridate. » Mais que se passait-il? Était-ce un jeu encore? Était-ce une réalité? Cet affaissement? Ces paupières battantes? Ce râle? Brizard! Cria Valville d'une voix angoissée. Brizard, tu m'entends, Brizard? Le vieil acteur eut la force d'ouvrir ses yeux, de regarder son ami. Une phrase lui vint aux lèvres, qu'il ne put pas prononcer tout entière et où Valville distingua pourtant ce mot « talent ». Puis ses yeux se voilèrent, cette bouche s'ouvrit pour quelques souffles encore. Dubois, dit Brizard, venait de mourir. Et pour la première fois, et la dernière, il avait eu du talent. Ainsi s'achève le dernier rôle par Paul Bourget.